Victor Hugo, L'âne. Dit par Vincent Planchon pour audiocité.net. Mais tu brûles. Prends garde, esprit, parmi les hommes, pour nous guider. Ingrat ténébreux que nous sommes, ta flamme te dévore et l'on peut mesurer combien de temps tu vas sur la terre durer. La vie en notre nuit n'est pas inépuisable. Quand nos mains plusieurs fois ont retourné le sable et remonté l'horloge, et que devant nos yeux l'ombre et l'aurore ont pris possession des cieux, tour à tour, et pendant un certain nombre d'heures, il faut finir. Prends garde, il faudra que tu meures. Tu vas t'user trop vite et brûler nuit et jour. Tu nous verses la paix, la clémence, l'amour, la justice, le droit, la vérité sacrée. Mais ta substance meurt pendant que ton feu crée. Ne te consume pas. Ami, songe au tombeau. Calme, il répond. Je fais mon devoir de flambeau. Colère de la bête. Un âne descendait au galop la science. Quel est ton nom ? Dit Kant. Mon nom est Patience, dit l'âne. Oui, c'est mon nom, et je l'ai mérité, car je viens de ce fait où l'homme est seul monté et qu'il nomme savoir, calcul, raison, doctrine. Kant, porter le licou sanglé sur la poitrine, avoir dès son bas âge, âpre et morne combat, l'os de l'échine usé par la boucle du bat, subir, de l'aube au soir, la secousse électrique d'une aire de bœuf parfois relayée par la trique, être, tremblant de froid ou de chaud étouffant, happé par le matin, lapidé par l'enfant, tomber de l'un à l'autre et traverser les glogues de la pierre alternant avec le bulldogue, vivre d'un chargement effroyable bossu, les os trouant la peau, maigre, ayant tant reçu, le long de chaque côté et de chaque vertèbre, de coups de fouet que d'âne on est devenu zèbre, tout cela qui te semble assez rude n'est rien. Et le fouet est à peine un souffle éolien, et les cailloux sont doux, et la raclée est bonne à côté de ceci. Suivre un cours en Sorbonne, vivre courbé 6 mois, peut-être un temps plus long, sous une chaire en bois qu'habite un cuistre en plomb, dresser son appareil d'oreilles au passage des clartés du savant et des vertus du sage, épeler Vossius, Scaliger, Salian, écouter la façon dont l'homme fait i-an. À quoi sert Cracovie? À qui sert Salamanque? Et Sorèze, lanterne où l'étincelle manque, et Cambridge, et Cologne, et Pavie? À quoi sert de changer l'ignorance en bégaiement disserte? Pourquoi dans des taudis perpétués des races de bélitres rongeant d'informes paperasses? Que sert de dédier des classes, des cachots, et 4 grands murs nus qu'on blanchit à la chaux, et des rangs de gradins, de bancs et de pupitres, à d'affreux charlatans flanqués d'horribles pitres? Frivole, quoique lourd, pesant, quoique subtil, quel sol laboure-t-il? Quel blé moissonne-t-il? À quoi rêvait Sorbon quand il fonda ce cloître où l'on voit mourir l'aube et les ténèbres croître ? À quoi songeait Gerson en voulant qu'on dorât d'un galon le bonnet carré du doctorat? À quoi bon, jeunes gens, qu'à ce bagne on condamne devenir bachelier puisqu'on peut rester âne? Moi, l'ignorant pensif, vaguement traversé de lueurs en tondant les herbes du fossé, qui serait Dieu si j'eusse été connu d'Ovide? Moi qui sais au besoin prendre en pitié le vide du philosophe altier pleurant ce qu'il détruit, à travers le fatras, le tourbillon, le bruit, j'ai sondé du savoir la vacuité morne. J'ai vu le bout, j'ai vu le fond, j'ai vu la borne, j'ai vu du genre humain l'effort vain et béant. Je n'ai pas, dans cette ombre et le cas échéant, refuser les conseils de l'ineptie honnête au docte, moi le simple, à l'homme, moi la bête. Kant, j'ai vu, mendiant des clartés à la nuit, devant l'énormité de l'énigme où tout luit, devant l'œil invisible et la main impalpable, la science marchait en zigzag, incapable de porter l'infini. Ce vin mystérieux saoule et comme abruti en présence des cieux. L'âne survient, s'émeut, plaint cet état d'ivresse, jette un liard et dit « Tiens !» à cette pauvresse. Quand ne t'étonne point de ces échanges-là. L'âne un jour, rencontrant Ésope, lui parla. La conversation fut au profit d'Ésope. Quant à moi qu'à présent tant de bruit m'enveloppe, je déclare que j'ai beaucoup baissé depuis qu'imprudent j'ai risqué ma tête en votre puits et que je me suis fait condisciple de l'homme. Tout en suivant ses cours, dont la lourdeur assomme, j'ai fait souvent à l'homme en son obscurité l'aumône d'un éclair de ma stupidité. Tandis que l'homme, ayant pour dogme et pour pratique qu'il faut qu'un âne libre, incorrect et rustique, monte à la dignité de classique Baudet, de son rayonnement ténébreux m'inondait. Je sors exténué de cette rude école. J'ai vu de près Boileau. J'aime mieux la bricole. Mon nom est Patience, oui, Kant. Ils ont voulu me faire à moi bétail innocent et goulu, tantôt avec Philon dans le grand songe antique, tantôt avec Bezout dans la mathématique, tantôt chez Caliban, tantôt chez Ariel, manger de l'idéal et brouter du réel. Je n'ai pas résisté. J'ai, pauvre âne à la gêne, mangé de l'Euctémon, brouté du Diogène, après Flaccus, Pibrac, Vertot, après Nibure, et j'ai revu Gonesse en sortant de Tibure. Hier dans la Phtisie et demain dans l'Eudème, j'ai tout accepté. Lulle, Érasme, Eunésidème, les pesants, les légers, les simples, les abstrus, les pelletiers pas plus bêtes que les Patrus, fleuris dans le sacré, chomprés dans le profane, l'affreux père Goard juché sur Théophane, tout poète embelli de son commentateur, Sanchez dans son égout et toi sur ta hauteur. Dur labeur. Veut-on pas que je me passionne pour les textes d'Élée ou ceux de Sicyone, que j'attache un grand prix à savoir s'il est bon d'avoir lu Xénarchus pour comprendre Strabon, que je me mette en feu le cerveau pour les notes des suards sur les grimes, des grimes sur les nonotes, et qu'un âne de sens se laisse incendier par ce qu'à Licostène ajoute Duverdier? Voilà longtemps que j'erre et que je me promène dans la chose appelée intelligence humaine. J'allais je ne sais où, suivant je ne sais qui. J'ai pratiqué Glicas, Suidas, Tiraboschi, Sosiclès, Tornidiel, Odierna, Zonar. J'ai fréquenté le docte en coudoyant Lignard, en présence du sort, du futur, du passé, de l'énigme, du ciel, du gouffre. J'ai causé avec l'esprit humain flânant à sa fenêtre. J'ai fouillé pas à pas ce dédale, connaître. J'ai dans cette cité plus noir que les fours, hanter les culs de sac comme les carrefours, lu tous les écriteaux, flairé toutes les cibles, j'ai pris tous les sentiers possibles, impossibles, le plat, le raboteux, le connu, l'inconnu, je suis allé 100 fois et 100 fois revenu de la science exacte, entrepôt sombre où l'homme compte le monde ainsi qu'un avare, une somme, à la philosophie, église dont Platon est le clocher, avec Maugras pour clocheton. J'ai vu l'antre où l'on prie et l'antre où l'on dissèque, et vos collèges froids dont la bibliothèque, ainsi qu'une vapeur, prend forme le soir, à l'étage d'en haut, se condense en dortoir. J'ai tout appris, Cogé, Psellus, les théophiles, Pouranas, composant la terre de 9 îles, Socion et Photin, que Sénèque était là quand saint Paul vint trouver Néron et lui parla, qu'Alirune enseigna Marcomyre, que Marcob, sous Théodose, était maître de garde-robe, que les Populicains à Sens furent vaincus, comment Manès d'abord s'appela Curbicus, que sur la langue Apis avait un scarabée, que Paschasin était évêque à Lilibée, et que Paschas, abbé de Corveil, fut traduit par le père Sirmonde en 1618, qu'Ambroise est un coursier dont le dogme est la bride, que la clé de Cordus ouvre Dioscoride, que l'Esprit-Saint planait sur les fameux combats de saint Jérôme avec le rabbin Akibas, que l'absurde se croit, que l'horrible s'adore, qu'Ésopsius n'est pas moindre que Nymphidore, et comment Mahomet, dans tous ses embarras, consultait Sergius, aidé de Batiras, qu'il n'existe qu'un siècle et qu'il n'est qu'une école, que Bsovius fut docte et que le grand Nicole est si grand qu'il pourrait loger sous son manteau Godot, Chiffletius, Possevin et Petot. J'ai tout ruminé, glose, analyse, critique. J'ai vu Laïs au Pnyx, Aspasie au Portique et jusqu'à Scarron dans son trou de Saint-Cyr. J'ai fait ce stage affreux, n'ayant d'autre plaisir au pied du mur humain, pauvre bête acculée, que de manger parfois dans la main d'Apulée ou de parler avec Balaam dans un coin. Pas un texte ici, là, haut ou bas, près ou loin, pas de volume jaune et mangé par les mythes, pas de lourd catalogue informe et sans limite que mon esprit, voulant tout voir, ne feuilleta. J'ai donc étudié beaucoup. Le résultat? Un peu d'allongement à mes oreilles tristes. Et je me suis dit, Anne, il faut que tu persistes. J'ai pris, pour faire enfin le tour des cécités, d'autres inscriptions à d'autres facultés, hébreu, sanskrit, pacri, grammaire générale, jurisprudence, droit, esthétique, morale, chimie. Oh, comprends-tu, Kant, ce qu'il m'a fallu de longanimité pour dire « J'ai tout lu, tout appris, et je suis plus que jamais pécore. Eh bien, je vais apprendre et je vais lire encore. » L'âne poursuivit. Kant, j'ai donc recommencé. Doublé ma rhétorique, élargi mon fossé, j'ai remis mon oreille énorme en discipline, j'ai recreusé Straton, Saucy, Béraste, Pline et Gérard de Crémone, et Trublet, Abovo, et le grammairien Sostrate, et de nouveau, la science m'a fait manger de la poussière. Du noir chaudron qui bout devant cette sorcière, je me suis fait le morne et lugubre écumeur. Oh! Cliquetis de mots, tohu-bohu, rumeurs, chant de foire, Babel, chaos, auquel entendre, Bossuet est féroce et Fénelon est tendre. La concordancia du cardinal d'Ailly montre un dogme dans l'astre au fond des cieux cueilli. Photius m'expliquait son fatras somnifère, Catane ses 3 dés, Sacobrosco sa sphère, Solon m'offrait ses lois, Bolandus ses romans, Irénée insultait les cardodélissimants, je voyais se poursuivre à coups de syllogisme, Paz, armé pour la foi, Kranz, souteneur des schismes, et Melchior, Adam, et Barlécourt, Hugo, vieux coq de l'argument debout sur leur ergo. Fouillons les chartriers, refouillons les glossaires, Caracoran, cherchez Issedon, dans ses serres, Jove à cet écriteau, vel odie vel crase. Et Tertullien sombre étrangle Carpocrase, Carpocrase d'Irénée enviait la boutique, ce Carpocrase était un si fier hérétique que toi-même, bon Kant, qui jamais n'exécra personne, tu devrais exécrer Carpocrase. Comment mettre d'accord Jousse, Antoine susdite, l'homme de cour Sénèque et Jean le troglodyte, Jung, le pleureur des nuits, Wadsworth, l'esprit des lacs, Thalès, Évelius, Lévéra, Granalac, les gais soupeurs, Dolbach, Parny, Dora, Cubière, D'Argence, avec Rancée qui prend pour lit sa bière, le dessus de velours, le dessous de sapin, Ancelin et Cluvier, Polyte et Plancarpin, Larchet contre Arouet, et Sitchi contre Dante, et l'engeance Grimaude et la race pédante, Juste Lips et Luther, Néjon et Daphila. Knox me tirait par ici, Scott me tirait par là, Luc prenait une oreille, Huller empoignait l'autre, braillait le chiffreur, dia, beuglait l'apôtre. Oh, ma jeunesse en fleurs qui courait dans les prés et les bois par l'aurore et la joie empourprée, l'herbe verte, les tables où l'on fête un doux somme. Oh, les coups de bâton de mon ânier bonhomme, je ne pourrais jamais dire, oh, splendeur des cieux, avec des mots assez crachés et furieux, comment ils ont changé la pensée en lanière et l'idée en férule, et de quelle manière ces malheureux m'ont fait, sous un monstrueux tas de zèbes, de sophron, de blastu, d'archita, d'ossa, plus pélion, d'antume, plus orose, de petit anon, leste immense âne morose. Livre qui compulsé, adoré, vermoulu sans cesse, envahissant l'homme de plus en plus, de la table des temps, épuisé les rallonges, d'où sortent des lueurs, des visions, des songes, et des mains que les morts mettent sur les vivants, code des sanhédrins, oracle des divans, texte grave, ardu, austère, difficile, appendice fameux des siècles, codicille du testament de l'homme à chaque âge réécrit, dont le vélin fait peur quand le temps le flétrit, comme si l'on voyait vieillissante et ridée la face vénérable et chaste de l'idée. Vous qui faites, sous l'œil du chercheur feuilletant, un bruit si solennel qu'il semble qu'on entend le grand chuchotement de l'inconnu dans l'ombre. Volume sacro-saint, que l'Institut dénombre, qui jusqu'en Chine allait emplir de vos rayons ce collège appelé forêt de crayons, résidu de l'effort terrestre où s'accumule le chiffre dont le sphinx compose la formule des hommes lumineux, prodigieux produits. Oh, comme vous m'avez obscurci, moi, la nuit. Oh, comme vous m'avez embêté, moi, la bête. Quel délire m'a pris d'aller sur votre fête brouter l'ortie humaine, hélas, et de tenter votre viol funèbre et de vous convoiter, livre qui pour consigne avait cette sentence. Gardez Isis, tenir les brutes à distance. Qui défendait, afin que tout reste normal, le passage sacré de l'homme à l'animal. Ô Phédon, ô Talmud, ô Coran, dont les piles du sombre esprit humain gardent les thermopiles, ô volume, j'ai fait le grand noviciat. Je suis plus lourd qu'Acurce et plus saint qu'Alciate. triste, j'ai digéré la docte baliverne. J'ai du matin au soir, en classe, dans l'averne, fait des auteurs latins le patient blocus. J'ai remué, suivant le conseil de Flaccus, les exemplaires grecs d'une patte nocturne. Livre, vous semblez tous des fleuves penchant l'urne, mais ce qui sort de vous, c'est le dégorgement de l'éternel brouillard sur les glaciers fumants. L'esprit se perd en vous comme au gouffre la sonde. Vous êtes imposant. Vous divisez le monde en deux opinions principales. Savoir si vos graves feuillets, votre blanc, votre noir, vos textes plus profonds que les flots sur les plages, vos luxes de science et vos fiers étalages de travail et d'études et vos grands apparats sont créés pour les vers ou sont faits pour les rats. Coup d'œil général. L'orateur, fut-il âne, essoufflé, se repose. Patient se reprit, ayant fait une pause. Rhéteur, quel mot divin faites-vous épeler? Dites, qu'enseignez-vous? Que venez-vous parler d'idéal, de réel, et nous rompre la tête? Votre réel à vous, c'est la chimère bête, où c'est la loi féroce et dure, ici Baal, là Dracon, et l'erreur partout. Votre idéal, c'est quelque faux chef-d'œuvre ou quelque vertu fausse, c'est un roi qu'en rampant la flatterie exauce, ou c'est un livre pâle ayant pour qualité de s'ouvrir sans blesser les yeux de sa clarté. Honneur au grand Louis, gloire aux tendres racines. Ah, l'idéal m'endort, le réel m'assassine. Grâce au diable, à ses buts, je prends congé, bonsoir. Quelle solution donne votre savoir sur ce qui vous étonne ou sur ce qui nous effraie? Avez-vous seulement un peu de lueur vraie? Non, rien. Sur l'inconnu, l'absolu, le divin, sur l'incompréhensible et l'insondable, en vain, l'illuminé contemple et le myope scrute. Qu'est-ce que vous savez de plus que moi, la brute? Hélas, je sens moi-même, étant votre écolier, homme, ma tête au poids des questions pliées. J'ai sur mon cristallin naïf la taie humaine. Le prêtre en sait-il plus que le catéchumène? Le cardinal voit-il mieux que l'enfant de cœur? L'ombre a la face grave et le profil moqueur. Et l'ombre, tu le sais, ô Kant, c'est la science. Sur le premier venu faisant l'expérience. Vois, cet homme a blêmi sur sa Bible. Voici qu'il est vieux. L'homme est chauve et le livre est moisi. Les cheveux ont passé de l'homme sur le livre. L'homme a voulu tout voir, tout savoir, tout poursuivre, tout avoir. Secouer le linceul pli par pli. Il s'est rassasié, repu, gavé, rempli. Il sait toute la langue et toute la pensée, et la géométrie et la théodicée, la légende crédule et le chiffre sournois. Il sait l'assyrien, le persan, le chinois, l'arabe, le gallois, le copte, le gépide, le tartare, le basque. Eh bien, il est stupide. Au fond de cette tête où s'accouple et se fond tout l'idéal avec tout le réel, au fond de ce polytechnique et de ce polyglotte, l'immensité du vide et du tombeau sanglote. Oh, ces sophistes lourds, ces casuistes froids, de la tour bahurie exploitant les effrois, tous ces fakirs, latins, grecs, sanscrits, hébraïques, tous ces gérontes, noirs, tonsurés ou laïques, tous ces pharisiens de l'explication, ceux-ci venant de Rome et ceux-là de Sion, tous ayant leur Coran, leur joug, leur évangile, leur Bible de papier ou leur autel d'argile, jurant par Aristote ou par Thomas d'Aquin, pour trouver l'Éternel, furetant un bouquin, bègues, sourds, demandant à leur dictionnaire le mot que l'aigle entend murmurer au tonnerre. Pas un ne comprenant ce splendide credo qui s'étoile le soir au pli du noir rideau, pas un ne se laissant aller, l'âme penchante, à l'attendrissement du point du jour qui chante, comme je les ai vus disputer, s'acharner, affirmer, contester, et bruire, et vanner, les Grecs chassant les Juifs damnant les guèbres, de la semence d'ombre en un vent de ténèbres. Comme je les ai vus, dressés sur leur séant, hagards, les uns, docteurs de leur propre néant, ayant l'aveuglement funèbre pour disciple, rêvant dans l'empyrée un monstre double ou triple, regardant fuir, tandis qu'effarés nous songions l'ouragan des erreurs et des religions, épiés s'ils verraient passer dans la rafale ou le Janus bifron ou l'Hermès tricéphale. D'autres, logiciens, métaphysiciens, pédagogues, groupés sous les porches anciens, discutaient l'évidence et fouillaient, rêveurs blêmes, l'énigme à la lueur livide des systèmes, et combinant les faits, les doutes, les raisons, rapprochés pour souffler dessus ces noirs tisons. D'autres, théologaux, notaires de consulte, évêques secouant leur foudre au seuil des cultes, clercs, chanoines, bedeaux, prédicateurs, abbés, dans l'ornière d'un texte ou d'un rite embourbé, de quelque oiseau mystique adorant l'envergure, étouffant par moments le rire de l'augure, agiter leurs longs bras et leurs supplis jaunes, dans des chairs faisant ventre sur l'infini, et cliquant leurs yeux morts sous leurs crânes fossiles, assemblaient le nuage informe des conciles, dans Éphèse, dans Reims, dans Arles, dans Embrun, sur Dieu, l'être éclatant, l'être effrayant, l'être un, et courber leur front chauve, et se pencher encore, et chercher à tâtons l'éblouissante aurore, et crier « Voyez-vous quelque chose? Est-ce là? Qu'en pense Onufrius? Qu'en dit Arabella? Où donc est l'être? Où donc est la cause première? Cherchons bien !» Et pendant que l'énorme lumière, formidable, emplissait le firmament vermeil, leurs chandelles tâchaient d'éclairer le soleil. Homme, à d'autres instants, enivré de toi-même, l'aveuglement croissant dans ta prunelle blême, tu dis, c'est moi qui suis, Dieu n'est pas, l'homme est seul. Est-ce au Gange, à la Mecque, à Thèbes, à Satinkeul, dans les cornes d'Amon ou dans la Vénus d'Arles, qu'il faut aller chercher ce Dieu dont on nous parle? Est-ce lui que l'enfant a dans son petit doigt? Personne ne l'a vu, personne ne le voit. Cet être où la ferveur des idiots s'attache, il est donc bien difforme et bien noir qu'il se cache. L'homme est visible, lui. C'est lui le conquérant. C'est lui le créateur. L'homme est beau. L'homme est grand. L'argile vit sitôt que sa main la pétrit. L'homme est puissant. Qui donc créa l'imprimerie et l'aiguille aimantée et la poudre à canon et la locomotive? Est-ce Jéhovah? Non, c'est l'homme qui dressa les splendides culées du pont du Gard au vol des nuages mêlés. Qui fit le Colisée et qui le Parthénon? Qui construisit Paris et Rome? Est-ce Dieu? Non, c'est l'homme. Pas de cime où l'homme roi ne monte. Il sculpte le rocher, sucre le fruit et dompte, malgré ses désespoirs, sa haine et ses abois, la bête au bond hideux, larve horrible des bois. Tout ce que l'homme touche, il l'anime ou le pare. Bien, crache sur le mur, et maintenant compare. Le grand ciel étoilé, c'est le crachat de Dieu. Nier est votre roue et croire est votre essieu. Homme, et vous tournez effroyablement vite. Après l'enfant de cœur, le diacre et le lévite, chantant Alléluia, passe une légion d'hérétiques criant l'hymne trisagion. L'homme blanc devient noir de nuance en nuance. Entre une conscience et une autre conscience, le fil est court. Rancé coudoie Arnaud, Arnaud janséniste confine à Luther huguenot, et Luther huguenot touche à Rousseau déiste, et Rousseau n'est pas loin de Spinoza. C'est triste ou c'est réjouissant, à ton choix, mais c'est vrai. L'Horeb ou sans souci, le Tabor ou Cirée, entre Orphée et Pyrrhon, l'humanité trébuche. Ô Kant, nous tomberions dans quelque obscure embûche, nous, bêtes, s'il fallait que nous vous suivissions. L'homme va du blasphème aux superstitions, il brave le réel, puis il adore l'ombre. Il passe son point vil à travers l'azur sombre, jette sa pierre infâme aux saintes régions et croit réparer tout par ses religions, par un faux idéal taillé dans la matière, par on ne sait quel spectre imitant la lumière, par quelque idole vaine et folle qu'il met là et qu'il nomme Zeus ou qu'il appelle Allah. Il insulte le Dieu, le Créateur, l'arbitre, puis, inepte et tremblant, raccommode la vitre des infinis avec une étoile en papier. J'ai lu, cherché, creusé, jusqu'à m'estropier. Ma pauvre intelligence est à peu près dissoute. Ô qui que vous soyez qui passez sur la route, fouaillez-moi, rossez-moi, mais ne m'enseignez pas. Gardez votre savoir sans but, dont je suis là, et ne m'en faites point tourner la manivelle. Montez-moi sur le dos, mais non sur la cervelle. Mon frère, l'homme, il faut se faire une raison. Nous sommes vous et nous dans la même prison. La porte en est massive et la voûte en est dure. Tu regardes parfois au trou de la serrure et tu nommes cela science, mais tu n'as pas de clé pour ouvrir le fatal cadenas. J'ai fort compassion de toi, te l'avouerai-je. Toi qu'une heure vieillit et qu'une fièvre abrège, comment t'y prendrais-tu, dans ton abjection, pour feuilleter la vie et la création? La pagination de l'infini t'échappe. À chaque instant, lacune, embûche, chausse-trappe, rature, sens perdu, doute, feuillet manquant. Partout la question triple, comment, où, quand? Qu'est-ce que le serpent? Que veut dire la pomme? Deux natures parfois se compliquent et font comme un chiffre où la brute avec Adam se fond. Le singe reparaît sous l'homme palimpseste. Viens-tu du fratricide et sors-tu de l'inceste, comme le dit Moïse? Ou n'es-tu que le fait résultant d'un chaos qu'un soleil échauffait, être double? Être mixte en qui s'est condensé la matière en instinct, la lumière en pensée, le seul marcheur debout, créature sommet que l'arbre accepte, auquel la pierre se soumet, et que la bête obscure, ayant pour verbe un râle, subit en protestant dans sa nuit sépulcrale. Es-tu le patient dont nous sommes les clous? As-tu derrière toi le mal? Le grand jaloux? Contiens-tu quelque flamme auguste qui doit vivre? Ou n'es-tu qu'une chair, qu'un souffle épars, enivre, qui fera quelques pas et sera de la nuit? Es-tu le vin brouillard d'un peu d'aurore enduit, qui, prêt à s'effacer, se déforme et chancelle? As-tu dans toi l'étoile à l'état d'étincelle? Et seras-tu demain au séraphin pareil? Réponds à tout cela, si tu peux. Ton sommeil, en sais-tu le secret? Connais-tu la frontière? où l'esprit ailé vient relayer la matière? Comment le ver s'envole? Et par quelle loi, dit, les enfers lentement sont promus paradis? Que sais-tu du parfum? Que sais-tu du tonnerre? Peux-tu guérir l'abcès du volcan poitrinaire? Qu'est-ce que tes savants t'apprennent? Tu rien, qui te dira le nom du vent en syrien? Sait-il son envergure et son itinéraire? La mamelle de l'ombre est là. Peux-tu la traire? Abindus, qui fut diacre d'Anicétus, sait-il quel ouvrier peint en bleu le lotus? Baloius, Surius, Pitsoius et Cédrène savent-ils pourquoi l'aube, en larmes, est sereine? L'abbé Pouille ose-t-il en face regarder l'énigme qu'on entend gémir, chanter, gronder? As-tu lu dans Lactance ou bien dans Éleuthère quelle est la fonction du diamant sous terre? Sais-tu par Don Poirier ou par Monsieur Leget de quelle flamme l'œil des condors est forgé? Et Maître Calepin dit-il dans son glossaire où se trempe l'acier dont est fait leur serre? Saint Thomas connaît-il tous ces noirs ixions qu'on nomme affinité, force, attraction? Nicole, qui sait tout, sait-il par quel organe l'été tire à jamais à lui la salangane et, vainqueur, fait passer la mer au passereau? Homme, sais-tu comment l'eau nourrit le sureau? Connais-tu l'hydre orage et le monstre tempête qui naît dans le jardin des cieux, dresse la tête, glisse et rampe à travers les nuages mouvants et qui flaire la rose effrayante des vents? Qu'as-tu trouvé? Devant l'évolution sainte de la vie, admirable et divin labyrinthe, ta vue est myopie et ton âme est stupeur. Vois, ce monde est d'abord un noyau de vapeur qui tourne comme un globe énorme de fumée. Vaste, il bout au soleil qui, lui, braise enflammé. Il bout, puis s'attiédit et se condense, et l'eau tombe au centre du large et ténébreux halo. Puis la terre, encore fange, au fond de l'eau s'amasse. Sur cette vase, on voit ramper une limace. C'est l'hydre, c'est la vie. Et la mer s'arrondit autour d'un point qui sort des eaux et qui verdit. C'est l'île surgissant des profondeurs béantes. Des vers titans parmi des fougères géantes fourmillent. Et du bord des boueux archipels, des colosses se font de monstrueux appels. L'hippopotame sort de l'immense onde obscure. Le serpent cherche un flanc où plonger sa piqûre. De vastes mille pieds se traînent. Le kraken semble un rocher vivant sous l'algue et le lichen et le poulpe. Agitant sa touffe contractile, tâche d'étreindre au vol l'affreux ptérodactyle. Puis des millions d'ans se passent. Du roseau sort l'arbre et l'air devient respirable à l'oiseau. Et la chauve-souris décroît et voici l'aigle. Le vent fraîchit, le flot baisse, la mer se règle. L'île soudée à l'île ébauche un continent. Et l'homme apparaît nu, pensif et rayonnant. C'est fini. L'aube émerge et le recul immense des monstres, du chaos, des ténèbres commence. La tempête de l'être a cessé de souffler et l'on entend des voix sur la terre, parler. Le typhon s'amoindrit et devient l'infusoire. Et l'antique bataille, inextinguible et noire, du dragon et de l'hydre, avec son fauve bruit, fuit dans le microscope et se perd dans la nuit. L'effrayant désormais plonge dans l'invisible. L'infiniment petit s'ouvre, gouffre terrible. L'épouvante s'éclipse après avoir régné. L'horreur, devant Adam qui doit être épargné, pas à pas rétrograde et rentre inassouvi dans cet enfoncement sinistre de la vie. L'azur, prodigieux, s'épanouit au ciel. Et maintenant, savant, penseur officiel, rat du budget, souris d'une bibliothèque, académicien bon voisin de l'évêque, quel compte te rends-tu de tout cela? Réponds. Comment rattaches-tu les arches de ces ponts au grand centre de l'ombre? Avec quel bésicle, docteur, regardes-tu les formidables cycles? Tu t'enfermes, craintif, dans le roman sacré. Mieux vaut mutiler Dieu que fâcher son curé. Et Cuvier, traître au vrai, pour être pair de France, trouble des temps profonds la sombre transparence. Pour augmenter la brume, hélas, les professeurs ajoutent doctement de l'encre aux épaisseurs, et l'Institut nous montre, avec un air de gloire, l'énigme plus opaque et la source plus noire. Oh, le bon vieux palais gardé par deux lions! La science met là tous ses tabellions, et l'on se complimente et l'on se félicite. Et moi, l'âne, qui suis parmi vous en visite, je n'aurais jamais cru que l'homme triompha à ce point de son vide et, si nul, fût si fat. Avec Diafoirus, brin d'oison fraternise, le dindon introduit loi et la divinise. Vrai, quand la comète entre au sanhédrin des cieux et des astres, fixant sur sa splendeur leurs yeux, le grand soleil, auquel tout l'empyré adhère, ne fait pas plus de fête à ce récipiendaire. Pleure, homme, et que sais-tu de ton propre destin? Dis, quoi de ton cerveau? Quoi de ton intestin? Quoi d'en haut? Quoi d'en bas? Depuis ton vieux déluge, dis ce que c'est qu'un prêtre et ce que c'est qu'un juge. Le sais-tu? Te vois-tu serpenter, dévier, crouler? As-tu sondé la mort, trou de l'évier? Même en considérant Dieu comme hors de cause, comme clair dans l'esprit et prouvé dans la chose, même en nous laissant, nous les brutes, de côté, comprendre ces mots, sort, sépulcre, humanité. Savoir la profondeur de ce puits où tu tombes, quelle espèce de jour passe aux fentes des tombes, à quel commencement cette fin aboutit. Savoir si l'homme en qui l'éternel retentit est ou n'est pas trompé par ses sombres envies d'autres ascensions, d'autres sorts, d'autres vies. Savoir s'il est épi dans le céleste blé. Savoir si l'alchimiste inconnu, le voilé, sonde en ce creuset morne appelé sépulture le monde antérieur à sa sphère future. Si vous fûtes jadis, si vous fûtes ailleurs, plus beau ou plus hideux, plus méchant ou meilleur, si l'épreuve refait à l'âme une innocence, si l'homme sur la terre est en convalescence, si vous redeviendrez divin au jour marqué, si cette chair, limon sur votre être appliqué, argile à qui le temps avare se mesure, n'est que le pansement d'une ancienne blessure. Si quelqu'un finira par lever l'appareil, savoir si chaque étoile et si chaque soleil est une roue en flamme aux lumières changeantes dont les créations diverses sont les jantes et dont la vie immense et sainte est le moyeu. Voir le fond du ciel noir et le fond du ciel bleu, homme, cela n'est pas possible et j'en défie Christ, ta religion, Kant, ta philosophie. Le gouffre répond-il à qui vient l'appeler? Non, l'effort est perdu. Déchiffrer, épeler, apprendre, étudier n'est qu'un pas en arrière. Et l'esprit revient meurtri du choc de la barrière. L'homme est après la marche un peu moins avancé. Hélas, X, Y, Z en sait moins qu'A, B, C. L'espérance a les yeux plus ouverts que l'algèbre. J'ai toujours entendu, devant le seuil funèbre des problèmes obscurs qui mettent sur les dents les chercheurs et qui font griffonner aux pédants tant d'affreux incartos, ruine du libraire, l'ignorance hennir et la science braire. Je viens de voir le blême édifice construit par l'homme et la chimère avec l'ombre et le bruit, la rumeur, la clameur, la surdité, la haine. De quoi je sors? Je sors de la besogne vaine. Je viens de travailler, Kant, à la vision. J'ai vu faire à zéro son évolution. Sur la montagne informe où la brume séjourne, dans l'obscur aquilon, la tour des langues tourne sur quatre ailes. Calcul, dogme, histoire, raison. Les savants, gerbe à gerbe, y portent leurs moissons, et, tombant, surgissant, passantes éternelles, s'évitant, se cherchant, les quatre sombres ailes se poursuivent toujours sans s'atteindre jamais. Elles portent en bas la lueur des sommets, et rapportent en haut le gouffre. Et la folie des souffles, les tourmentes et les hâtes et les plis. L'intérieur est plein d'on ne sait quel brouillard. Le râle du savoir s'y mêle au cri de l'art. Ô machine farouche, on dirait que les meules sont vivantes et vont et roulent toutes seules, et l'on entend gémir l'esprit humain broyé. Tout l'édifice a l'air d'un monstre foudroyé. On voit là s'agiter, geindre, monter, descendre, ces pâles nourrisseurs qui font du pain de cendre, Arius, Condillac, Locke, Erasme, Augustin, l'un verse là son dieu, l'autre offre son destin, on s'appelle, on s'entraide, on s'insulte, on se hèle, on gravit, charge aux reins, la frémissante échelle, sous les pas des douteurs, on voit trembler des ponts, où le prêtre jadis cloue ses vains crampons, l'erreur rôde, la foi chante, l'orgueil s'exalte, et l'on se presse, et point de trêve, et pas de halte, le crépuscule filtre aux poutres du plafond, par l'étoile qu'Ignace et Machiavel font. Tous vont. Celui-ci grimpe, et celui-là se vautre, tous se parlent, pas un n'entend ce que dit l'autre. L'aile adresse en fuyant à l'aile qu'elle suit un discours qui se perd dans un chaos de bruit. Les meules, ébranlant la tour de leur tangage, échangent sous la roue on ne sait quel langage. Les portes pleines d'ombre, en tournant sur leurs gonds, ont l'air de grommeler de monstrueux jargons. L'œuvre est étrange. On voit les engrenages moudre, le bien, le mal, le faux, le vrai, l'aube, la foudre, le jour, la nuit, les tirs, les thèbes, les sions et les réalités et les illusions. On vide sur l'amas des rouages horribles, d'effrayants sacs de mots qu'on appelle les bibles, les livres, les écrits, les textes, les védas. Le diable est au grenier qui voit par un Judas. À mesure qu'au trou des cribles, noires ou blanches, la mouture en poussière aveuglante s'épanche, la mort la jette au vent. Ironique meunier, on entend cette poudre affirmer et nier, disputer, applaudir et pousser des huées et rire, et en s'envolant dans les fauves nuées, et des bouches au loin s'ouvrant avidement à ces atomes fous que la nuit va semant, et cette nourriture à l'odeur de la tombe, le faîte de la tour se lézarde et surplombe, et d'autres travailleurs montent d'autres fardeaux, chacun ayant son sac de songes sur le dos. Et les quatre ailes vont dans l'ouragan qui passe, si vaste qu'en faisant un cercle dans l'espace, la basse est dans l'enfer et la haute est au ciel. Je viens de ce moulin formidable. Babel. l'âne patience entre dans le détail. L'âne, à ce qu'il disait, rêva dans le silence, comme on suit du regard une pierre qu'on lance, puis ajouta: serrons de près les questions. Veux-tu que nous causions et que nous discutions? Soit. Quoique le lecteur, à Sainte-Geneviève, trouve peu d'eau Samuel et peu d'auteurs à Sève, quoiqu'à l'Escurial où Philippe pria, le plafond sépulcral de la librairia, couvrant dossiers, cahiers, brochures, fascicules, ressemble à de la nuit noyant des crépuscules. Quoique Oxford de la savante ait, sous ses hauts châssis, moins de textes vivants que de santons moisis, quoique le maréchal vicomte de Turenne, caboche de soldats brutalement sereine, ait jugé, pataugeant dans les inoctavos, la Rupertine bonne à loger ses chevaux, quoique l'arsenal fasse, alors qu'on le secoue, tourner tant de néant sur son pupitre à roues, quoique poussant des cris de triomphe, un essaim de corbeaux, contemplant l'Institut, son voisin, perche à la Mazarine, et que la Vaticane ait des angles si noirs que le diable y ricane. Homme, vous êtes fier quand vous considérez vos bouquins reliés, catalogués, vitrés, avec vos rhéteurs Dieu et vos pédants principes taillés en marbre jaune et juchés sur des cipes, et, j'en conviens, on a le vertige en voyant ce sombre alignement de livres, effrayant, inouï, se perdant sous les bahuts qui tremblent, ces vastes rendez-vous de volumes qui semblent les légions du faux et du vrai s'avançant en bon ordre sous l'œil trouble du temps présent pour se livrer combat au fond des hypogées et de l'esprit humain les batailles rangées. Certes, j'admets que vous, les hommes, soyez vains de cet entassement épique d'écrivains, de tous ces papyrus et de toutes ces bibles. C'est beau de voir Sommès agitant ses vieux cribles, tamiser ses monceaux d'esprits sur les pavés. C'est beau d'avoir l'Exode avec des bois gravés par Alde de Venise ou vin de long de Spire. J'en conviens qu'on retient son souffle et qu'on respire à peine quand on voit, dans vos doctes hangars, les tombes frissonner sous les piocheurs hagards. C'est beau de pouvoir dire: admirez les estampes, ici Virgile avec un laurier sur les tempes, là Chapelain avec plus de laurier encore. Voici des manuscrits étalant sur fond d'or maintes arabesques pures, inextricables et nettes, à rendre goujon pâle et jaloux biscornette. Ça c'est Newton, voyez quel beau félibien. Voici le grand, voici le vrai, voici le bien. Barmella pour ses lois, saint Thomas pour sa somme, Platon pour son Timée, et l'on comprend que l'homme fasse la roue avec tous ses livres au dos. Mais, ô dignes humains, pris sous tant de bandeaux, ce profond répertoire où la doctrine abonde, ce sombre cabinet de lecture du monde, tous ces textes qui font le silence autour d'eux, depuis l'Inforcia jusqu'à l'I-32, et d'où l'odeur des ans et des peuples s'exhale, cette bibliopole auguste et colossale qu'on voit, jetant au loin sa lueur au cerveau, flamboyer au-dessus de tous vos noirs travaux, comme la cheminée énorme de l'usine, toute cette raison que l'homme emmagasine, étageant grec sur juif, juif sur égyptien, que le temps sur le tas vient vider par ôter, c'est Pascal, c'est Longin, c'est Job, c'est Timothée, doux, sévère, touchant, mystérieux, railleur. Qu'est-ce si tout cela ne vous rend pas meilleur? Par mon échine illustre et semblable aux coulées de lave du gibel, âpre et dentelé, par les traductions du vieux père Brumois, par l'honneur que m'a fait Christ en montant sur moi, comme si l'âne était un degré de calvaire, je le jure devant l'aube et la primevère, devant la fleur, devant la source et le ravin, digne Kant, je suis prêt à proclamer divin, vénérable, excellent, et j'admire et j'accepte l'enseignement duquel on sortirait inepte, ignare, aveugle, sourd, buse, idiot. Mais apprends par cœur Jove, Huguel et Casaubon, Baronius, Ibas, Dédès, Thée et Tête, Médie, Boctonnet à fond, romps-toi la tête au sens que Napius donne à tel ou tel mot. Va de l'abbé Tudèche au cardinal Cramaux, nourris-toi de Boyer, vieille prose bourrue. Dévore Amirato, Valinge, Pélagru, vide résolument jusqu'à la lie et bois André Schott, Sylvius, autrement dit Dubois, Massillon qui pérore et Fléchier qui harangue, docte Kant. Je consens à fourbir de ma langue tous ces volumes, ceux qui sont noirs d'encre et ceux qui sont tachés de sang et ceux qui sont crasseux, y compris les fermoirs, la basane et les cuivres. Si tu te sens, après avoir lu tous ces livres, d'humeur à me donner un coup de pied de moins. Si l'on veut faire grâce en leur lugubre coin à tous ces vieux vélins jargonnant tous les styles, ce qu'on peut dire, ô Kant, c'est qu'ils sont inutiles. Et philosophe, au fait, comment tous ces monceaux de tomes gravement contemplés par les sots pourraient-ils enfanter un résultat quelconque? Un rien les dépareille, ou les brouille, ou les tronque, puis ils se font la guerre entre eux, je te l'ai dit. Le volume savant est le tome érudit, le littéraire gourme avec le politique, on joute à qui sera le plus paralytique, le plus obscur, le plus diffus, le plus pesant, et du juste, du vrai, du beau, le plus absent. C'est à qui se fera lourd, majestueux, vaste, à qui sera poudreux, avec le plus de faste, car tous ces livres sont des vivants ténébreux. L'œil qui les voit croit voir des grands prêtres hébreux, et quand de leur casier le jour perce les fentes, ils ont sur leurs rayons des airs d'hiérophantes. Ils sont l'autorité, régnant dans son caveau, l'esprit de l'homme avec reliure de veau. Avoir force feuillet, note, renvoi, chapitre, faire pousser des cris terribles au pupitre, être un livre de poids par-dessus tout, voilà l'ambition, le but, la gloire, et pour cela, le bénédictin creuse, édifie et laboure, le volume veut être imposant, il se bourre de blanc, de noir, de fait, de vent, de vieux, de neuf, et la grenouille idée enfle le livre bœuf. Dans l'Olympe farouche et sinistre des livres, lieu polaire où l'on prend les vitres pour des givres, dans l'immense grenier du bouquiniste humain où l'étude et la nuit scellent leur triste hymen, depuis que l'homme écrit, que l'esprit se fourvoie, que la première plume a fui la première oie, dans ce doc du grimoire universel, tunnel et puits du griffonnage antique et solennel, où l'erreur sur l'erreur s'amoncelle, où s'entasse la savantasserie avec le savantasse, gouffre où sans voir l'ennui, ce miasme, on le sent, où ces fêtes, de siècle en siècle grossissant, comme un ulcère croît, comme grandit un chancre, l'horrible alluvion du déluge de l'encre, dans ce dépôt qu'emplit le froid morne des ifs, il faut les voir ranger, ces testaments massifs, ces volumes titans, dont un fort de la halle aurait peine à porter la lourdeur idéale, ces tomes à stature écrasante, ulémas des lutrins monstrueux et des puissants formats, ceux-ci bardés de cuir, ceux-là vêtus de moire, ils encombrent des temps la ténébreuse armoire. D'autres ouvrages sont éphémères, charnels, réels, mortels, humains, eux sont les éternels. La cendre, qui du livre est l'austère rosée, leur arrive à travers les astres tamisés. Chacun d'eux est un fort, chacun d'eux est un mont, chacun d'eux est un culte. Eux, des livres, fi donc. Ils sont des avestas, ils sont des lévitiques, chacun d'eux est le livre. Ils sont les hauts portiques et les larges piliers de la maison d'Isis. Ils sont les chênes noirs, vénérables, moisis, de la dodone obscure et lugubre des âmes. On en entend sortir des voix de vieilles femmes. Et l'ombre qui descend de leurs rameaux touffus va du Philothéos jusqu'au Polymorphus. Ils sont les dolmens, lourds et branlants, les registres pétrifiés du monde aveugle et fou des cuistres, des espèces de blocs funèbres et bavards. Eux des livres, fi donc, ils sont des boulevards. Ils sont les élégants sacrés de la doctrine, les sphinx géants ayant l'oracle en leurs narines, les colosses pensifs de la religion. Ils sont des dieux. Mais gare au diable légion. Gare à ce gamin sombre appelé petit livre. Le format portatif est un monstre. Il délivre, il proteste, il combat. C'est hideux, c'est criant. Comme avec son épingle, il crochette en riant la serrure de fer d'une Bible Bastille. Il a la clé des champs, ce brigand. Il pétille, il éclate, il est clair, rapide, âpre, éloquent. Il court et met le feu partout. Oui, mon vieux Kant. Poussière fulminante éparse sur les tables, les livres légers sont au pesant redoutable. Un frêle Capulet tue un gros Montaigu. Un Diderot de poche, imprenable, exigu, invisible, détruit la montagne de tomes que font les Augustins mêlés aux Chrysostomes. Que Laplace ait un jour sur sa calme hauteur, mais il ne l'aura point car on est sénateur, le caprice de faire un almanach sauvage et sincère à deux sous, et voyez le ravage. L'almanach grimpe droit à l'azur, court, descend, monte, ôte à Saint-Michel son nimbe, va chassant Saint-Médard de son ciel, Saint-Pierre de sa loge, extermine Turneb, Arnobius, Euloge, Moïse, Bossuet et l'abbé de Corbeil, et casse Josué, gendarme du soleil, et c'est fini. Voilà la légende dorée, croulant sous l'ironique et splendide empiré. Un tout petit Montaigne, adroit, glissant, rongeur, malgré leur profondeur et malgré leur largeur, va démolir Genade et Tégan par la base. Un leste Beaumarchais, en quelques instants, rase, avec leur clientèle honorable d'abus, las de maîtres les plus caduques, les plus barbus. Saint-Évremont accourt, moqueur, alerte, ingambe, et maintenant, cherchez Symmachus, Allégambe, et le père Gretzer, et le père Poussin, Paul lui coltant Saint-Luc, quel assassin! Un essaim de pamphlets qui s'échappent, dégrade sur leur lit de justice ou leur lit de parade, Cigonus, Prudence, Alde et le sieur Pitou. D'où viennent-ils? J'ignore. Où vont-ils? Dieu sait où. Mais ils mangent les saints jusqu'aux dernières plumes. Sur les tomes debout, ainsi que les enclumes de la forge du deuil, de l'erreur et du vent, ils se répandent, gais, cassant, rageant, bravant, des révolutions anarchiques avant-garde, et l'on entend courir dans la brume hagarde le pas tumultueux de ces trottes menues, et ce désordre est fait par ce peuple inconnu au nez du marguillier et sous l'œil de l'édile. Ainsi que l'Ichnemont détruit le crocodile, le doute in 18 bat le dogme in folio. Malheur à l'Alcoran qu'attaque un fabliau. Un missel sur qui plane un couplet est malade. Je plains l'inforcia qu'une puce escalade. L'inforcia fut-il plein de rois et de dieux, si la puce, agitant son stylet radieux, saute, atome effrayant, la largeur de la terre et la hauteur d'un siècle, et se nomme Voltaire. Mais, dis-tu, ce Baudet n'a pas le sens commun. Il veut un résultat. N'en est-ce donc pas un? Ce combat des penseurs est sublime. À merveille. Qu'en sort-il? Baal meurt. L'ours fuit devant l'abeille. Soit. On lutte, on s'acharne, assaut, mêlé à mort. Et la science pique. Et la sagesse mort. Que reste-t-il au cœur? La bataille finie. Hélas, la nudité d'une immense ironie. Tous les profonds instincts glacés et grelottants. Kant, ce n'est pas cela que de l'homme j'attends. L'esprit triomphe. Abat le vieux dogme. On l'écrase, il tombe, le passé s'effondre, table rase, bien. Plus je suis vainqueur, plus je suis assombri. Une négation est un sinistre abri. Où mettrai-je mon âme? Est-ce dans un décombre? Je conviens que je dois à cette troupe sombre, à ces démolisseurs de l'antique fatras, tout le logis qu'on peut avoir dans un plâtras. La pioche est pas de toi, la faux est pas de gerbe. Est-ce donc là le but de ton effort superbe? Homme, architecte auguste, être prédestiné? Satan fait avorter Adam, son puits né, j'en gémis. L'homme manque à sa tâche divine. Je cherche un édifice et je trouve une ruine. La nuit autour de l'homme. J'ai des objections à l'homme, tu le vois. Qu'il existe une loi, mêlée aux vagues lois que nous entrevoyons par nos pâles fenêtres, qui, dans l'échelle obscure et tremblante des êtres, place au-dessus de nous ce pleureur, ce rieur, qui fasse l'âne au fils d'Adam inférieur, qui mette moins de verbes en plus de bouche, et rende l'endettement plus court, dans l'oreille plus grande. C'est possible. Après tout, ça regarde l'auteur. Que l'homme ait ou n'ait pas le droit sur sa hauteur d'être traité par nous d'une façon civile, et d'être salué roi par la longue file d'animaux que Noé dans son arche classait, par le lion ayant dans sa griffe un placet, par le corbeau tenant dans son bec un hommage, qu'ils disent « Dieu n'a fait qu'Adam à son image, peu m'importe. Je parle à cette majesté crûment, je ne suis pas de bassesse frottée, je suis franc. Ma parole est âpre, mais certaine, car je préfère, étant frère de la fontaine et quelque peu cousin d'Agrippa d'Aubigné, le réel. » Même rude au faux, même peigné, les toisons de la brute aux perruques de l'homme. Je ne fais pas ma cour, Kant, je suis économe, d'admirer sottement et lâchement le roi, et je trouve en Dangeau plus d'âne que dans moi. Si l'homme est majesté, cette majesté boite. Quand la mort a serré ce pantin dans sa boîte, en sort-il un esprit qui s'envole? Psyché jaillit-elle à travers l'arlequin démanché? Je n'en sais rien. Cherchez. Il fait nuit. Ce qui reste, évident dans la brume adorable ou funeste, c'est que c'est un vivant médiocre et mauvais. Je deviendrais méchant si je ne me sauvais. Rien que pour avoir vu de près ce pauvre air. Je n'estime pas plus son grelot que sa haire, et son austérité que son relâchement. Quand sa bouche dit vrai par hasard, son œil ment. Fumé, il s'évapore en toutes les emphases. Son ventre et son cerveau n'ont point les mêmes phases. La terre a son instinct, la lune a ses raisons. Entre l'air et son souffle, il met une cloison. Au lieu d'être le vaste esprit cosmopolite, il est toujours d'un lieu quelconque satellite. Juif, grec, anglais dans l'Inde, au Brésil, portugais, il rêve des Édens et fait des Paraguays. Il se tient hors du code ou hors de la nature. Là, refroidi, blasé, s'il veut par aventure devenir vertueux, quels lugubres essais! Il ne sait que passer de l'excès à l'excès, de l'abus au défaut, de l'alcôve à la haine, d'Ève au cloître, et que fuir Don Juan dans Origène. Voletant vaguement de la trappe à Paphos, mouche heurtant de l'aile au soupirail du faux, bourdon de tous les dieux et de toutes les vitres, donnant pour moule au front les casques et les mitres, forgeron d'imposture, ouvrier de fureur, fabriquant au mensonge une armure d'erreur, il n'est pas d'épithète outrageuse, honni, vil, dont on ne puisse orner sa litanie. Certes, on se tromperait de croire que l'azur, les sphères, les levées d'étoiles, l'éther pur et le nimbe solaire et l'aurore astrale filtrent dans l'âme humaine en lumière morale. Kant, c'est un malheur d'être une voûte à cachot, une cave fermée au ciel splendide et chaud, une maison de nuit. Hélas, l'homme en est une. Il a cette mauvaise et fatale fortune que son obscurité résiste obstinément au lys, à la colombe, à l'aube, au firmament. Rien, ni l'Etna qui semble en braise se dissoudre, ni le passage vaste et fuyant de la foudre, ni la lune ébauchant quelque sacré contour, pas même l'évidence éclatante du jour, pas même le feu noir qui dévore Sodome, rien ne peut éclairer l'intérieur de l'homme. Ô Kant, l'homme est drapé de rêves mal tissus. Vêtu d'un haillon sombre, il porte par-dessus une pourpre d'orgueil prise aux fausses sagesses. Il est fils des géants mariés aux singesses. Il a plus de grimace encore que de grandeur. Son profil de beauté d'un profil de laideur se double et son sublime adhère au ridicule de si près qu'on le croit fait pour le crépuscule. Aussi, quelle ombre en lui! Quelle ombre autour de lui! Il sent sous tous ses pas trembler le point d'appui, ce qu'il espère étant presque ce qu'il redoute. Un flot de trouble passe après un flot de doute. Tout se résout en gouffre, en chute, en tremblement, sur on ne sait quelle vague et blême escarpement, en ouverture sombre, en cécité muette, tâtonnement au docte et vertige au poète. Et toujours, au-dessus du lugubre horizon, et de votre savoir, et de votre raison, l'idole, le cromlech, l'autel, dressent leur cime que blanchit un rayon monstrueux de l'abîme. Mais du moins faites-vous ce qu'il faudrait pour voir un peu plus de clarté dans votre cerveau noir. Point. La routine au fond du néant vous isole. Vous avez tout. Parole, écriture, boussole, vapeur, imprimerie, escalpel et compas. Faites-vous donc du jour avec cela? Non pas. Avez-vous des esprits, des plongeurs, des génies, de grands cerveaux ouvrant des portes infinies, des puisatiers géants creusant au ciel des trous, des penseurs, des trouveurs? Pardieu! Qu'en faites-vous? Conduite de l'homme vis-à-vis des enfants. Et l'âne s'écria, « Pauvre fou, Dieu vous livre l'enfant, du paradis des anges encore ivre. Vite, vous m'empoignez ce marmot radieux, ayant trop de clarté, trop d'oreilles, trop d'yeux, et vous me le fourrez dans un ténébreux cloître. On lui colle un gros livre au menton comme un goître, et 20 noirs grimaux font dégringoler des cieux, ô douleur, ce charmant petit esprit joyeux. On le tire, on le tord, on l'allonge, on le tanne, tantôt en uniforme et tantôt en soutane. Un beau jour, Trissotin l'examine, un préfet le couronne et s'est dit. un imbécile est fait. Glycère et Jeanneton, ces deux filles célestes qui courent dans Virgile et Ronsard, sont moins lestes quand Sylvain les poursuit, le fauve Jouvenceau, à trousser leurs jupons pour passer un ruisseau. Un singe est moins agile à gober une pêche. Les baleiniers, armant leurs pirogues de pêche, sont moins prompts à lancer leur barque au flot mouvant, dès que d'un squale en marche ils entendent les vents. En frappant dans ses mains, Bonaparte a moins vite chassé l'aigle tudesque et l'agile moscovite qu'un pédant n'est rapide à défaire un esprit. Oh, que de fois, depuis qu'hélas, on m'entreprit, j'ai vu l'abrutisseur en chef, le grand pontife, qui, lugubre, a le plus de crasse dans sa griffe, dans l'antre où se tenaient nos régents, nos dragons, les plus chauves, les plus goûteux, les plus bougons, entrés, tenant par l'aile ou la patte sanglante une pauvre petite âme toute tremblante, et dire, en la jetant aux vieux, « Plumez-moi ça !» Je me souviens des cris que plus d'un poussa pendant que son plumage auroral, son enfance, sa blancheur, sa candeur, sa gaieté sans défense, sous les vils ongles noirs d'un rustre aux yeux éteints, tombait, duvet charmant, et que les sacristains, heureux de voir l'oiseau tout nu dans leurs mains dures, balayaient ses splendeurs des cieux au tas d'ordures. L'aile pourtant n'est point arrachée au moignon, elle repousse, grise et faite au cabanon. L'enfant vit, nul ne peut dire, cette âme est morte. L'âme prend la couleur du verrou de la porte, voilà tout, et son œil clignote. Et maintenant, avec un encrier au croupion, traînant bréviaire, gradu, glossaire, sans volume, toute la cuistrerie engluée à tes plumes, vole donc, alouette, au fond du libre azur. La sacristie, hélas, fait un déléature du mystérieux dé qui sert de majuscule au mot Dieu, flamboyant dans notre crépuscule. Elle éteint dans les fronts les rayons libéraux. Vous mutilez des cœurs, ah niais, ah bourreaux, et vous raccourcissez des âmes, et vous êtes dans l'auguste forêt d'horribles ciseaux bêtes. Vous tondez les instincts, vous rognez les cerveaux, sur le patron des vieux vous taillez les nouveaux, de la création vous troublez l'équilibre, ignorant que tout être est fait pour croître, libre, pour donner telle fleur et vivre en tel milieu, que toute âme a sa forme intime devant Dieu, et que toute nature a droit à sa broussaille. Vous tronquez des talents, de même qu'à Versailles, ô brute, vous changez en pain de sucre vert le cèdre et le cyprès, géants d'ombre couverts, sans même voir, parmi vos bronzes et vos marbres, l'humiliation de tous ces pauvres arbres. L'ennui de l'oranger fait pomme, et le chagrin des ifs, taillé en cône autour du boulingrin. Pédagogue, toujours c'est ainsi que vous faites. Tout l'esprit humain doit se mouler sur vos têtes. Pégase doit brouter dans votre basse-cour, l'aile morte et mangée de votre foin. Le jour où, de votre perruque arrangeant les volutes, fière, perchée sur Zoïle et batteux, vous voulûtes définir le génie, expliquer la beauté, les mauvais estomacs ont dit « sobriété ». Les myopes ont dit « soyons ternes ». La clique des précepteurs, geignant d'un air mélancolique, a décrété « Le beau, c'est un mur droit et nu ». Donc Rubens est trop rouge et Puget trop charnu, l'art est maigre. Vénus serait plus belle, éthique. Shakespeare, ce Satan de votre art poétique, prodigue images, idées et vie à chaque pas. La nature, imitant Shakespeare, ne voit pas sur une vieille pierre une place vacante sans la donner à l'herbe ou l'offrir à la cante. Le lierre énorme où l'art mystérieux se plaît emplit Heidelberg comme il emplit Hamlet. Vous coupez cette ronce auguste qui soupire, vous tombez à grands coups de serpe sur Shakespeare, Marot, et vous frappez jusqu'à n'en laisser rien sur le grand chêne où flotte un hymne aérien. À qui donc croyez-vous persuader, ô cuistre, que le beau, que le vrai, vous ont pris vos ministres, et qu'Horace va dire hic lucidus ordo, parce que vous tirez des crétins au cordeau? N'est-il pas odieux, ô Jean-Jacques, ô Molière, ô Daubiné, du droit puissant auxiliaire, qui disait en voyant un roi, qu'est-ce que c'est? Montaigne, mon bon Michel, que son père faisait éveiller le matin au son de la musique, Diderot, qui raillait tout le vieillard phtisique, ô libre Hoffmann, planant dans les rêves fougueux, n'est-il pas désolant, dites, de voir ces gueux, tatoués de latin, de grec, d'hébreu, ces cancres, dont l'âme prend un bain dans la noirceur des encres, exécuter l'enfance en leur blême couvent? Ne sont-ils pas hideux, ces faux docteurs, savants à donner au progrès une incurable entorse, commençant par l'ennui pour finir par la force, du bâillement allant volontiers au bâillon, logique de Boileau concluant Trestaillon, vantant Bonald, couvrant de béates exergues Pillet, Cornet d'Incourt et Clausel de Coussergues, tâchant d'éteindre au fond des bleus éthers? N'est-il pas monstrueux de voir ces magistères casernés dans l'horreur de leurs Isis occultes, posés sur l'avenir qui s'envole en tumulte avec l'emportement d'Achille et de Roland, ayant dans l'œil l'éclair de Vasco s'en allant ou de Jason partant pour la plage colchique, leur bâton de serpent, instructeur monarchique, et crier aux esprits « À droite, alignement !» Écolâtre, au fond de votre enseignement est Rome, enfermant l'âme en sa funèbre enceinte. Vous êtes les prévôts de la science sainte, d'où jaillissant Newton et Watt, les caporaux de l'art divin qui vit vibrer Sienne et Paros. Le vil marais vous charme et votre œil le préfère. Vous feriez un étang si l'on vous laissait faire. De l'océan tordant ses flots sur les galets, en forgeant des pédants, vous créez des valets. En faisant le front bas, vous faites l'âme basse. Qu'un de vos patients chuchote dans la classe, qu'il ose relever son museau d'écolier et se gratter un peu le cou sans son coulier. Oh, révolution, anarchie, il vous semble que l'alphabet lui-même entre vos pattes tremble, que l'F et que le B vont se prendre le bec, que l'eau tourne sa roue aux cornes de l'Y. Horreur, et qu'on va voir le poing, bille fatale, tomber enfin sur l'I, ce bilboquet tantale. Votre système est vain, votre empirisme est faux. Ayez donc la charrue avant d'avoir la faux. Ça, vous figurez-vous, parlons net, camarade, qu'on est un vrai docteur pour avoir pris ses grades et qu'on sait quelque chose en sortant de chez vous? Que la grande nature, aux bruits vastes et doux, belle, n'enseigne rien à l'esprit qu'elle élève, et qu'Adam, ébloui de l'Éden, épris d'Ève, attendait, pour que Dieu tout à fait le créa, qu'Iblis lui fit passer le baccalauréat? Non, la nature au fond pourrait suffire seule. Elle sait tout. Elle est nourrice, étant aïeule. Conduite de l'homme vis-à-vis des génies. C'est en dehors des lois que vous faites, pédant, que plane l'harmonie aux grands hymnes grondants, et le papier réglé par une main classique est du papier réglé, mais n'est pas la musique. Qu'on doit fourrer, vivant, les aigles, les griffons, en cage, dans les trous de vos dogmes profonds, que l'essor du penseur se mesure à vos maîtres, qu'il doit vous consulter, vous les bedeaux des lettres, vous les abbés du goût, hurlant à l'unisson, nous sommes le savoir, nous sommes la raison, que vous avez, vous seuls, ces dons sacrés sur terre, et que chacun de vous en est propriétaire, que l'académie est, que la Sorbonne vit, que l'antique sentier qu'à la file on suivit est la route sacrée et qu'il faut faire en sorte qu'on n'y coure jamais, que jamais on en sorte, qu'on forge et qu'on bat le fer d'autant mieux qu'il est froid, que votre cloître est saint, que vous avez le droit de mettre le génie et l'âme en retenue, que le cygne, nageant candide sous la nue, doit se faire montrer le blanc par un corbeau, que j'en serai plus long, que je serai plus beau, moi, l'âne, quand un gueux, flanqué d'une ou deux vieilles, m'aura coupé la queue et rogné les oreilles. Ah, pardieu, vous allez me faire accroire ça? L'âne a du sens, ayant porté Sancho Panza. Il reprit. Parmi vous qu'un novateur s'obstine, qu'il baise mal le bas du dos de la routine, qu'il ne veuille pas boire où de tout temps on bu la coutume ridée et l'usage barbu, que son âme ose, horreur, n'être pas prisonnière, que, se sentant une aile, il méprise l'ornière, vous le damnez. Jadis, un songeur l'entendait, les bêtes ont crié, haro sur le baudet. J'entends l'homme crier, haro sur le génie. Malheur à qui s'en va dans la sombre uranie. Dans la matière encore, passe, on peut innover. Il est permis d'aller, de chercher, de trouver quelque crapaud géant, quelque gros perce-oreille, quelque étrange fourmi, pas tout à fait pareille à celle dont l'inné a contemplé les œufs, ou des squelettes frais et des fossiles neufs, des mammouths troublant l'ordre, et dans les grès, les schistes et les gneisses, des fémurs d'éléphants anarchistes. La routine consent à ce qu'un cachalot inédit lève un peu trop son groin hors du flot. On peut faire, sans trop indigner les bélitres, des révolutions dans les écailles d'huîtres. L'immortelle ânerie, et j'en suis à regret, admet qu'on peut trouver un gui dans la forêt ou pêcher un mollusque avec un coup de sonde. Quand on voit revenir après leur tour du monde le capitaine Cook, Magellan ou Lord Ross, rapportant des tapirs ou des rhinocéros, si bien que la science à leur aide complète la confrontation de l'homme avec la bête, quelques raies éclairant l'énigme du dauphin, des os de mastodonte illuminant enfin la grande question de l'ours, ou des carcasses d'épiornis faisant progresser les bécasses, long bravo. Les savants formant leur bataillon contemplent les herbiers et les échantillons, le mandarin admire et le bourgeois dit « Qu'est-ce ?» On fait que au musée à voir ouvrir la caisse, les deux chambres que chauffe un rapport érudit accordent au jardin des plantes un crédit pour élargir l'endroit où l'on met la genèse, et l'institut, pendant que, tout frémissant d'aise, Paris en foule court voir le tapir manger, harangue au pont des arts le fossile étranger. Mais quand le penseur, vaste et noir missionnaire, arrive du pays du rêve et du tonnerre, et revient du mystère où planent les esprits, rapportant aussi lui ce qu'à l'ombre il a pris, farouche et dans sa main de rayons inondés, tenant le fait chimère ou bien le monstre idée, déployant la splendeur d'un progrès factieux, quelque nouveauté sainte ayant l'odeur des cieux qui va faire, profonde et pure découverte, l'homme heureux et l'envie, hélas encore plus verte, offrant la douleur morte ou l'espace annulé, montrant des visions la formidable clé. Malheur à ce trouveur et malheur à ce mage. Que Gall ait du cerveau vu sur le front l'image, que dans quelque insondable abîme le même air qui soulevait Élie ait emporté Mesmer. Malheur. Papin en France ou Galilée à Rome, quel que soit le prodige, hélas, quel que soit l'homme, quel que soit le bienfait, quel que soit l'ouvrier, qu'il se nomme Jackson, qu'il se nomme Fourier, malheur, huée, affront et clameur triomphante, tous se jettent sur lui, les uns, les sycophantes, au nom des livres saints, védas ou rituels, les autres, les douteurs, bourreaux spirituels, parfois railleurs profonds, comme Swift et Voltaire, au nom du vieux bon sens, bouche pleine de terre. On vous la somme avec maint argument plombé, là par Christ plus Moïse, ici par A plus B. Que veut ce songe creux? Et de quelle caverne sort-il pour nous conter de telles balivernes? Avoir du temps passé jeter le vieux bâton, quel crime! S'appeler Gutenberg ou Fulton, quel cynisme! Aller seul? L'audace est fabuleuse. Si c'est Flamel, Cardan, Saint-Simon ou Deleuze, pour en avoir raison, l'éclat de rire est là. Si c'est Jordan Bruno, si c'est Campanella, qui le premier a dit « Les soleils sont sans nombre », qu'il se sauve, sinon, demain, le bûcher sombre lui mettra la fumée et la nuit dans les yeux, et l'affreux tourbillon des braises, envieux, châtiera ce rêveur du tourbillon des astres. Harvey mourra moqué de tous les médicastres, Kind raillera Kepler, et tous les culs de plomb ferreront cet oiseau de l'océan, Colomb. Vois, Socrate, par qui le genre humain se hausse, blêmi sinistrement dans une basse fosse. Deux siècles avant l'heure où Vasco les verra, Dante, œil mystérieux que Dieu même éclaira, voit à travers la terre, énorme et sombre geôle, les quatre étoiles d'or qui sont à l'autre pôle. Il le dit, on le chasse, et c'est ainsi toujours. Dès qu'un flambeau paraît, l'homme crie au secours. Qu'il éclaire ou le serre, l'irrite. Le génie est une infraction sévèrement punie. Toujours vous proscrivez le grand homme fatal, sauf à lui dédier plus tard un piédestal. Vos bienfaiteurs, penseurs et sages ont beau dire « Cherchons et triomphons », l'infini nous attire. Dans l'océan progrès, il n'est point de cap. Non. L'homme réplique, exil, cigu et cabanon. Et l'histoire en est pleine, et tous ces Hérodotes comptent sous divers noms ces douces anecdotes. J'ajoute, quelquefois le front des hauts songeurs se fend. L'idée ayant de trop grande largeur, et comme il est certain que la nature mêle toujours un peu d'ivresse au lait de sa mamelle, comme ils sont à la fois brumeux et radieux, ces hommes-là sont fous, dit la tourbe. Ils sont dieux. L'excès de vérité n'éblouit-il pas l'âme, et n'a-t-on pas de grands aveuglements de flamme? Hélas, en peut-il être autrement? Le réel, l'idéal, le progrès, même venu du ciel, même apporté par Christ, même quand Dieu l'amène, passant par l'homme aura toujours la marque humaine. Toujours l'idée aura pour nombril le défaut. Toute innovation, même prise là-haut, par mille côtés vrais et par un côté fausse. Quel bonheur, la routine à ce détail s'adosse. Après avoir plongé dans la sublimité, après avoir volé le gouffre illimité, dans l'humaine cohue obstinée à ses voiles, malheur à qui revient. L'infini plein d'étoiles, sur la terre où le cuistre admire l'avorton, n'a qu'un débarcadère appelé Charenton. Oui, le crachat jaillit de 100 bouches ouvertes, sur tous les pâles Christs des saintes découvertes. Oui, malheur au héros qui, la lunette en main, se dresse au lointain bord de l'horizon humain, guetteur mystérieux et vedette avancée, il est toujours tué. Par qui? Par la pensée. Car dès que les docteurs ont vu, troupeaux jaloux, poindre une idée, ils ont la tristesse des loups. La foule n'aime point qu'un astre la dérange, avec un flamboiement de clarté trop étrange, et la pensée humaine a peur des vastes cris, du génie et du vol des immenses esprits. L'âne reprit, Hélas, homme, race chétive, ayant plus de torpeur que d'initiative, hélas, génie humain, hélas, esprit humain, qui, s'il fonde aujourd'hui, démolira demain, double, ayant oui pour aile et non pour carapace, qui, sans savoir pourquoi, d'un pôle à l'autre passe, du plus noir du cloaque au plus bleu de l'éther, de Dante à l'oriquet, de la bouche au sphincter, qui semble jeune et fort, et tout à coup se ride, qui vole, plane et boite, et pour s'en faire un guide, va du condor à l'oie, et sur le fait met tantôt Herder ou Dante, et tantôt Don Calmet, qui ferme l'œil sitôt qu'un peu d'aube y pénètre, qui dans le même temps trouve le moyen d'être Virgile et Moévius, ou Voltaire et Restif, qui pour être céleste en restant positif, se bâcle on ne sait quel accoutrement lyrique, fait de plumes d'archange et de poils de bourrique. Plein d'hésitation, d'anxiété, d'effroi, bégayant juste assez pour dire « Je suis roi ». Kant, pour se déjuger, il est toujours en verve, la contradiction est son fond de réserve. Ne sondez pas, devant ce frivole parleur, ces questions, tombeau, sort, mystère, douleur, il fuit de l'inconnu, la sinistre falaise, sur ses pentes à pic, il se sent mal à l'aise, il hait ces mots profonds qui semblent infinis, il ferme sa croisée au brouillard où Leibniz, Dante, Échille, Rochelin, Pythagore, Épicure voyaient du noir destin pendre la corde obscure. Il tâche de sortir de dessous les grands cieux, mais il n'est hors de là qu'un badaud vicieux. Mais il ne sait pas même être un chrysal honnête. Il rit du fil de l'ombre, étant marionnette. Le lendemain, voilà la peur qui le reprend. Fou, tour à tour d'orgie ou d'aube s'empourprend, l'homme mériterait, soit dit en style honnête, d'avoir, ainsi que moi, sur le haut de la tête, deux conduits auditifs taillés en falbala. L'homme consent au beau, s'il est utile. Il a le goût du médiocre et s'arrête à mi-côte. Il laisse en route ceux dont l'idée est trop haute. Il ferait plus de cas de l'éclat que revêt la neige et d'où le feu jaillit s'il y pouvait poser quelque marmite énorme d'invalide. Au ver sacré qui file au fond des chrysalides, il demande un bonnet bien tiède, bien soyeux, bien épais, qu'il se puisse abattre sur les yeux. Il préfère Montmartre au Mont-Blanc, Athalie à Macbeth, et son fiacre au char tonnant des lits. Entre Horace et Vadé, Vadé serait son choix. Il se croit roi du globe, il en est le bourgeois.